Jazz Time, présenté par Gérard. Le conseil départemental à Nancy présente du 18 juin au 19 septembre une rétrospective d'œuvres d'un artiste lorrain, Roland Grunberg, graveur, illustrateur, scénographe, qui a participé à de nombreux événements culturels à Nancy et qui est aussi un amateur de jazz éclairé depuis sa prime jeunesse. En 2008, à l'occasion du 35e anniversaire du festival Nancy Jazz Pulsation, j'avais demandé à Roland Grunberg d'évoquer ses souvenirs d'amateur de jazz, ses affinités électives, ses activités dans les années 70. Alors que les œuvres de Roland Grunberg sont présentées au public, j'ai souhaité diffuser une partie de cet entretien avec Roland Grunberg pour retrouver sa voix enthousiaste, pour faire connaître l'homme, le passionné de jazz, l'artiste total. C'est donc une séquence dédiée à Roland Grunberg que Jazz Time vous propose aujourd'hui. Roland Grunberg est né à Strasbourg en 1933. Il a connu les misères et les malheurs de la guerre. Pour reprendre l'expression d'un ouvrage de son aîné Jacques Callot, Roland Grunberg en parle avec pudeur et sincérité. Bon, il y a une chose qu'il faudrait dire. Il fut une époque, presque au moment où j'ai commencé à découvrir le jazz, où je suis tombé très gravement malade. J'avais passé une partie de la guerre cachée dans la forêt. En tant que juif et en tant que soviétique, j'étais traqué. Et donc, séparé de tout le monde, je bouffais de la terre, des écorces, des racines, tout ce que je pouvais. Et il en est résulté des carences telles qu'à un certain moment, ayant pourtant réussi à rattraper des études que je n'avais pas poursuivies. Et je me suis trouvé arrêté par suite de tuberculose pulmonaire et emmené à vivre dans un sanatorium pendant des mois et des mois. Le médecin du SANEM disant que je m'éteindrais doucement dans ma chaise longue, qu'il ne fallait pas faire de projet, et où j'écoutais donc du jazz du matin au soir, du soir au matin. Étant alité tout le temps, je dormais presque pas, et je n'écoutais que du jazz, et je dessinais des jazzmen. Ce qui fait que par la suite, lorsque j'ai eu l'occasion de m'en sortir, eh bien je n'ai pas cessé d'écouter du jazz et de rencontrer les gens qui en écoutaient. À cette époque, Roland Grunberg écoutait beaucoup de jazz et affectionnait particulièrement la voix de Sarah Vaughan interprétant l'Overman. I don't know why, but I'm feeling so I long to try something I've never had. Never had no lovin', never had no kissin', the man. Oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me, love a man. Oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance could be like a heavenly dream. To bed with a prayer that you make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you dry all my tears and whisper sweet little things in my ear. A hugging and a kissing, oh, what we've been missing, love a man. Oh, where can you be? Et puisque nous nous intéressons à la musique de jazz, tout comme Roland Grunberg, voici comment il évoque la vie du jazz à Nancy avant la création en 1973 du festival Nancy Jazz Pulsation. NJP n'est pas né en 73 par hasard, mais il y avait à Nancy, depuis des années, des gens qui se réunissaient pour écouter du jazz à certains endroits privilégiés. Et à un moment, il y avait une ferme à Xirocourt où Xavier Brocker réunissait et les fans de jazz, et les musiciens qui passaient là souvent le week-end et donc pouvaient jouer et boire en toute liberté, étant donné qu'ils n'avaient pas un train à prendre ou qu'ils n'avaient pas de voiture à conduire. Et par la suite, la ferme de Xirocourt ayant été liquidée, nous avons eu rue de la Commanderie un caveau, et ce caveau qui était le caveau du Yacht Club de Nancy. Xavier Brocaire y animait un certain nombre de réunions, et tant que nous avons eu ce caveau, eh bien, ça se passait fort bien, il n'y avait pas besoin d'un festival à Nancy, le festival était pratiquement permanent rue de la Commanderie. Et puis, il y a des gens qui ont écrit au maire de Nancy que ces soi-disant étudiants, ces prétendus étudiants qu'il fallait tolérer et qui faisaient du bruit quand ils regagnaient leur voiture et qui claquaient les portières la nuit, n'étaient pas tous des étudiants, mais qu'on acceptait aussi les loubards de la banlieue. Et alors, le maire de Nancy, c'était Weber à l'époque, Weber avait dit... Je veux bien qu'en tant qu'étudiant, vous vous permettiez des choses parce que je veux bien être un protecteur des étudiants. Mais protecteur des loubards, jamais. Vous allez me promettre que vous allez contrôler les cartes d'étudiants de tous ceux qui se présenteront au caveau de la Commanderie. Et puis, à ce moment-là, si vous contrôlez ça, ça marche. J'arriverai à museler les râleurs du quartier. On a toujours refusé de ne pas initier au jazz, et même au jazz très moderne, tous les jeunes qui voulaient, qu'ils aient ou non des cartes d'étudiants, et donc on nous a privés du club de la Commanderie. C'est quand on a fermé le club de la Commanderie, après qu'il n'y ait plus eu les rencontres de jazz de Xirocourt en week-end, que nous avons décidé de créer NJP, mais NJP a tout de suite eu, avant même de naître, une sorte de tradition de popularisation de fêtes. C'était non seulement un festival, c'est une activité festive. D'où l'ambiance assez particulière et la multiplicité des points dans lesquels les gens jouaient. Un certain nombre de musiciens qui sont venus par la suite étaient déjà venus à Xirocourt. Le jazz vivant à Nancy avait de multiples concerts au programme. C'était un sens de la fête partagé, lié à la musique. Roland Grunberg analyse l'évolution constatée au fil des années avec beaucoup de lucidité. Mais il y a une chose que je pourrais dire tout de suite. Je mettrais un bémol à la nostalgie des années où il y avait la fête, fête qu'il n'y a plus maintenant, parce qu'on peut dire la même chose pour le festival de théâtre auquel j'ai également participé, que j'ai contribué à créer avec Jacques Lang et pour lequel j'ai fait beaucoup de choses aussi. Mais au départ, les jeunes avaient plus l'esprit de la fête et quand on donnait quelque chose aux jeunes, tout le monde participait, c'est-à-dire qu'aussi bien les familles, les anciens, s'ouvraient d'une façon inhabituelle à des choses nouvelles, alors que maintenant, quand tu as des festivals de théâtre ou d'autres choses comme ça, c'est devenu aussi sage, aussi rangé qu'est devenu, par exemple, Nancy Jazz Pulsation. Donc, je mettrai pas sur le dos des choix actuels de ceux qui font NJP cette déperdition de la fête. Je constaterai que la jeunesse et le public des festivals à Nancy est lui-même moins participatif sur le mode de la fête. On lui en donne peut-être moins que ce qu'on donnait à l'époque sur le plan de ce qui peut nourrir et susciter la fête, mais il faut dire qu'une ville, elle a les festivals qu'elle mérite. Et quand on laisse un festival qui était un festival de jazz devenir de moins en moins jazzistique, mais c'est aussi parce que le public accepte de suivre ce qui lui donne de moins en moins de jazz. Donc là, je dirais que ceux qui suivent le public, alors que nous, on essayait de le précéder et de l'initier, on ne peut pas leur mettre sur le dos le fait que ce que la population semble vouloir, c'est ce petit mélange où le jazz est très minoritaire. Ça, c'est ce que j'aurais à dire. Thank you. Pour la première édition de NJP, Roland Grunberg va mettre ses talents au service de la manifestation sous différentes formes pour illustrer la musique qu'il aime, la musique de jazz. Au milieu d'une revue de jazz qui s'appelait Jazzot, j'ai donc fait une bande dessinée de 4 pages dans laquelle c'était comme ça, et toute la bande, est sur ce, y compris les dessins, sont sur ce modèle-là. Mais également, j'avais fait 4 pages dans Jazz Magazine, et là, c'est un peu plus politique. Culture is a gun, la culture est un fusil, il y avait des tas de choses comme ça. Donc en fonction et de l'ambiance, parce qu'il y avait à la fois l'ambiance festive, il y avait aussi une ambiance qui en 73 était encore très revendicative sur le plan des libertés, de la tolérance, de l'ouverture à tout le monde, du droit à la différence. Et ça aussi, dans les festivals de théâtre, ça fonctionnait à fond. Et dans le festival de jazz aussi, les gens sont moins revendicatifs en ce qui concerne, disons, les droits de l'homme et l'ouverture aux différences. Bon, en vérité, ce sur quoi s'est fondée ma participation, c'est que j'étais l'ami de gens qui aimaient le jazz et qui venaient en écouter chez moi. Xavier Brocker, le véritable créateur de Nancy Jazz Pulsation, était mon ami depuis des années. Et au moment de créer NJP, ça faisait 20 ans. Que le petit Brocker, avec une petite casquette à carreaux et un pompon, venait sonner chez moi rue de la Visitation pour venir écouter mes 78 tours. Et donc, étant resté l'ami, étant devenu l'ami d'autres amateurs de jazz, c'est plutôt en tant que fan éclairé que je m'occupais de cette aventure-là, avec des modulations telles que les affiches, bien sûr, les logos, la décoration, la création et la décoration de chars sur lesquels on a fait une promenade, une fantastique promenade de rue, des chars de 7 mètres. Bon, mais c'était pas uniquement en tant que tel. Par exemple, lorsque j'ai dit à Xavier Brocker que je souhaitais non seulement faire une exposition de mes dessins de jazz, à l'époque en 73, ça faisait plus de 20 ans que je faisais des portraits de jazzmen et des compositions sur le jazz. Je lui ai dit que je ferais une expo qui s'appelait Grunberg in Jazzland. Il a dit « Ouais, mais qu'est-ce que ça vient faire une expo ?» Et c'est la première fois que dans les festivals en Europe, et peut-être ailleurs, je ne sais pas, on a fait des expos dans le cadre du festival. Et j'ai donc organisé 10 expos sur le jazz. Il y avait 13 expos à Nancy Jazz Pulsation. Et donc, je faisais venir des gens qui dessinaient sur du jazz depuis des années et qui n'avaient leur place nulle part ou qui n'avaient pas assez de dessins pour faire une expo. C'était un véritable festival des dessinants sur le jazz, des imagiers du jazz. Voilà, donc ça j'en suis content, mais c'était pas en tant qu'artiste que je le faisais. C'était en tant qu'amateur de jazz, encourageant d'autres amateurs de jazz avec les différentes modalités de leur participation, de leur contribution, que j'ai donc participé à ce festival. Mais je m'occupais d'un certain nombre d'autres choses, dans plusieurs sortes de festivals. À cette époque-là, j'organisais déjà et des séminaires et des rencontres d'artistes et plein de choses comme ça dans le cadre du festival de théâtre. Non, donc c'est pas l'artiste qui participait à ça, c'était l'amateur de jazz, l'amateur éclairé, l'amateur passionné et qui partageait ce qu'il aimait bien. C'était pas pour engager le dessinateur que j'étais à trouver des débouchés. Parmi les thèmes que Roland Grunberg a choisis, le jazz et les musiciens prennent une large place. Roland Grunberg s'explique sur le processus de création qu'il pratique et sur le pouvoir d'évocation de ses images. Il y a plusieurs façons de rendre le jazz présent dans les images qui sortent de mes mains et de ma tête. Une des façons, mais elle est minoritaire, c'est quand je dessine ou des portraits de jazzmen à ma manière, le réalisme fantastique, ou lorsque je dessine sur un thème de jazz ou sur un solo. Mais il y a aussi le fait que quoi que je dessine, quel que soit le thème des expositions, j'écoute du jazz quand je dessine et je dessine sur le rythme de ce que j'écoute. C'est-à-dire qu'à la limite, en regardant n'importe laquelle de mes gravures, si on écoute la même musique, on habite différemment dans mes images, on associe différemment. Puisque je fais des images qui racontent des histoires. Je fais des images qui parlent et qui chantent. Alors quand tu regardes mes images, elles racontent des histoires, mais tu sais mieux quel genre d'histoire elles racontent si tu écoutes la même musique. Ceci dit, tu n'es pas obligé d'entendre la même musique que moi. Non. Sur le rythme de mes images, tu peux apporter ta musique personnelle, parce que étant donné le genre d'images que je fais, dans lesquelles celui qui passe devant, il a un rôle à jouer. En tant que récepteur, il construit l'image également à sa manière. C'est un dialogue, c'est une passerelle jetée entre sa sensibilité et la mienne. Il peut mettre une autre musique. Avec le jazz, c'est plus facile. Mais disons avec le reggae de Bob Marley, ou avec Alpha Blondy, le reggae africain, ou Tekunja Fakoli, eh ben, de toute façon, on peut se rencontrer à plusieurs musiques sur ce que je fais. Mais le jazz est présent dans tout ce que je fais, même quand il n'est pas dans le thème annoncé sur l'image. À chacun de mettre sa bande-son sur tes images. Par exemple, mais disons, c'est la même chose si tu penses à la photo en noir et blanc ou au cinéma noir et blanc. Tu vas au cinéma, quand tu vois un film en couleur, il est fini. Il a sa gamme colorée, tu la prends en pleine gueule, tu te reconnais ou tu ne te reconnais pas dans ce genre de sensibilité-là, enfin, tu accroches d'une manière ou d'une autre, ta place comme récepteur créatif est moindre que dans un film en noir et blanc, dans lequel tu peux, selon les moments, mettre sur le blanc une petite demi-teinte rose ou bleutée ou sépia, et tu peux voir le noir comme étant bleu nuit, comme étant bronze. La question est que dans le noir et blanc, l'imagination créatrice du récepteur a plus de place que dans la couleur. Eh bien, dans mes images, qui souvent sont en noir et blanc, comme on peut le remarquer, eh bien, dans mes images en noir et blanc, les gens peuvent aussi projeter non seulement la musique qu'ils veulent, mais les gammes colorées qui correspondent à leur entrée en résonance avec les images que je fais. Et c'est leur façon d'entendre mes histoires. Je montre des images comme il m'arrive de faire des spectacles de marionnettes. Thank you. Roland Grunberg, qui a écouté de la musique de jazz pendant des décennies, aime toujours écouter du jazz vivant, mais il a besoin de certaines conditions et il s'en explique. Le rôle du public dans un spectacle de jazz est vachement important. Ben, j'ai l'impression que le public, c'est pas qu'il a de moins en moins de talent, mais il n'a pas le talent qui est approprié à ce qui se passe chez les musiciens. Et les musiciens le savent tellement bien que quelquefois on a l'impression, comme Miles qui tournait le dos au public, que les musiciens jouent pour eux et se fichent de toutes ces dérives sonores émises par une partie du public. Bon, à un certain moment, ça me gênait moins. J'arrivais à m'abstraire. Maintenant, j'arrive moins à m'abstraire. Je me sens mieux à écouter du jazz chez moi, ou à regarder du jazz à la télé, ou à voir des films sur le jazz, et puis à les regarder sur mon ordinateur. The backwater of the road around some now. Throw me down that line. Backwater don't roll that damn road. Put y'all down that line. And I tell that water water, don't jump through this town. Lord, that old wrong country, Lord. Lord, the whole round country, man, is overflow. You know, I can't stay. I'm going to go where it's hard, boy. I won't go to the hill country, but it got me bummed. Now, look at y'all, now, Lila, silver rising high. Yeah, boy, round little Timmy. River's raging high. Boy, it's rising over there, yeah. I'm gonna move on to Greenville. Boy, I tell you goodbye. Yeah, water down, Lord, it's a brook. Road won't carry well. The water and Greenville and little. Going down the road everywhere. Boy, you can't never see I would go down the road down, but they tell me it's water down. Now the water down, mama, just drop shawls it down. Well, they tell me the water just drop shawls it down. Boy, I'm going to make work. Well, I'm going to be fine for a high mind. I am going out that water while land don't ever flow. Well, I'm going on a hill where water don't never blow. Boy, shark is calling it still a gone shore. Ball out county one is down. Over in Tallahatchie. Boy, when Tallahatchie, you got it over there. Lord, the water that rests on that old Jackson Road. Lord, the water that rests on that Jackson Road. Boy, he's got my claws. I'm going back to the hill country. Won't be one no more. Alors, amis auditeurs, si vous allez visiter l'exposition de Roland Grunberg, écoutez la musique que ses œuvres expriment, indissociable, et ce n'est pas un hasard, de la création artistique. Mm-hmm. L'exposition des œuvres de Roland Grunberg a lieu au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 19 juin au 19 septembre 2018. Dans la musique de jazz, il est un matériau musical incontournable pour les instrumentistes et les chanteurs. C'est le standard des compositions issues pour l'essentiel des comédies musicales américaines de Broadway dans les années 30, et aussi des thèmes issus du blues, également des compositions écrites par des musiciens de jazz au fil des années, des thèmes instrumentaux avec ou sans paroles. On a tendance à penser que les standards sont nécessairement américains. Mais plusieurs exemples montrent que le standard peut être né en Europe, faire carrière aux États-Unis et dans le monde. Ainsi, La vie en rose de Piaf et Luigi, écrit en 1947, ou encore Mon homme, My Man, composé en 1920 par Maurice Yvain, qui a connu plusieurs versions, dont celle de Billie Holiday. Il y a aussi des succès internationaux avec les chansons de Michel Legrand ou encore My Way, écrit par Jacques Revaux et Jacques-Claude François, popularisé par Frank Sinatra. Et alors, sans oublier Les Feuilles mortes, devenues aux États-Unis Autumn Leaves dans les années 50. Thank you. En 1952, le saxophoniste Stan Getz interprétait « Les feuilles mortes », la version américaine « Autumn Leaves ». Lorsqu'il s'agit de chansons, les thèmes des standards comportent en général un couplet et un refrain au format de 32 mesures réparties en 4x8 selon le schéma désigné par AABA, ce qu'on appelle en France l'Anatole. Aux États-Unis, les standards ont fait partie du recueil désigné par le titre « Great American Songbook ». Et même si on garde en mémoire les noms des auteurs dans les années 30, qui ont été très prolifiques et célèbres pourvoyeurs de standards, les Cole Porter, les frères Gershwin, Rodgers et Hammerstein, Irving Berlin et Jerome Kern, avec le temps, le standard n'appartient plus à personne. Il n'est pas rare que le standard subisse des transformations, des démarcations au-delà de la simple arrangement. Illustration avec Love for Sale de Cole Porter, repris par l'orchestre de Patrice Caratini. When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belong to the lonesome cup, this wayward town, so her smile becomes a smirk. I go to très bel arrangement signé Patrice Caratini avec son jazz ensemble, la voix de Sarah Lazarus sur le thème Love for Sale de Cole Porter. Les historiens de jazz estiment qu'il y a environ 1500 thèmes de jazz qui sont devenus des standards internationaux. L'existence et la notoriété d'un standard vient de ses multiples interprétations successives, mais si la carrière du standard a eu un début, elle peut aussi avoir une fin, particulièrement lorsque le succès est assuré à un interprète dont la notoriété empêche de nouvelles appropriations, par exemple Take Five par Dave Brubeck, Blues March par les Messengers de Blakey, Caravan par Ellington, Sweet Lorraine par Nat King Cole. Un musicien français bien au fait de l'utilisation des standards en a donné cette définition éclairante. C'est un motif assez simple pour être développé, un morceau qui peut être traité, où on peut ajouter, substituer, arranger, improviser et aussi dont on peut changer le tempo. Cette définition est signée Jean-Claude Forembach, un saxophoniste qui savait très bien de quoi il parlait. Par contre, un autre saxophoniste, Barney Whelan, s'emportait à propos du concept de standard, déclarant « Il faut virer ce mot standard, c'est péjoratif, c'est un mot de commerce galvaudé par les marchands de soupe ». Enfin, le pianiste Eric Lénini résume. Le standard, c'est un véhicule incroyable, le ciment qui nous réunit tous les jours. Avec l'arrivée du bebop dans les années 40, les musiciens de jazz vont tenter de se débarrasser du format de la chanson et de démarquer plus ou moins profondément. Ce sera le cas pour Charles Parker, Dizzy Gillespie par exemple, qui démarqueront la composition de Cole Porter « What is this thing called love ?», extrait d'une comédie musicale représentée à Londres en 1929, qu'ils rebaptiseront, avec la complicité du pianiste Tad Dameron, « Hot House » en 1945. Et puis avec le temps, on oublie le nom des auteurs de standards, on mémorise le nom de l'interprète qui l'a popularisé. De même, ainsi, le Funny Valentine, composé en 1937 par Rodgers et Hart, est indissociable des versions qu'en ont données Chet Baker à la voix et Miles Davis ici en quartet en 1964. Un large extrait d'une longue interprétation de Miles Davis avec son quartet sur le thème « My Funny Valentine ». De son côté, le saxophoniste John Coltrane donnera du standard « My Favorite Things » issu du film « La mélodie du bonheur » et composé par Rodgers et Hammerstein une interprétation définitive en 1960. Quant au pianiste Keith Jarrett, pendant toutes les années où il exercera avec son trio, les standards constituent une bonne part de son répertoire, au point de donner la dénomination standard à quelques-uns de ses albums. Aux standards de Broadway s'ajoutent les compositions signées par des jazzmen, exemple Caravan, coécrit par Ellington et Juan Tizon en 1936, également des ballades qui deviendront les standards, ainsi Lonely Woman d'Ornette Coleman, Maiden Voyage de Herbie Hancock ou encore Round About Midnight de Thelonious Monk. Thelonious Monk, compositeur et interprète de Round About Midnight, devenu un standard. Et si le répertoire historique est resté une référence au milieu des années 70, les enseignants et les étudiants de la célèbre Berklee School de Boston ont rassemblé des thèmes notés et chiffrés dont le contenu sera diffusé sous le nom de Real Book et sera représentatif d'une époque. La diffusion de ce Real Book se fera pendant plusieurs années assez illégalement avant d'être régularisé. D'autres recueils circulent, mais en France, en 1997, à l'initiative de l'Union des musiciens de jazz, a été présenté un livre du jazz en France, c'est-à-dire un recueil de 200 compositions venant de 130 musiciens de jazz français ou résidant en France, une sélection réalisée à l'aveugle et devant représenter des esthétiques de la création en France. Alors bien sûr, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, la diffusion des compositions est rendue accessible comme les partitions originales qui sont plus ou moins protégées, souvent écrites par des jazzmen reconnus. Et même si la majeure partie des compositions qu'interprètent les groupes de jazz sont aujourd'hui des compositions originales personnelles, on peut présager que parmi celles-ci, certaines seront susceptibles de devenir au jour, peut-être dans le répertoire des standards de demain. C'est sur Round Midnight que s'achève ce numéro de Jazz Time. Un grand merci à Quentin qui a assuré le montage de l'interview de Roland Grunberg et puis la réalisation de tout ce numéro de Jazz Time. Je vous retrouve quant à moi dans une semaine pour un autre rendez-vous avec le jazz. Au revoir.